Et nous sommes condamnés à envoyer des messages qui n'arrivent jamais. Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans Zoom Écologie. Vous êtes bien sur Radio Fréquence Paris, pluriel, 106.3. Le jeudi soir, c'est Zoom Écologie et le deuxième jeudi du mois, c'est Les Verts Solidaires. Le mois dernier, on avait reçu trois personnes qui nous avaient parlé du mouvement anti-pub en France. Et moi, ça m'a donné envie d'aller creuser un peu sur les origines de ce mouvement. Et donc, je suis allé rencontrer Yvan Gradis, qui est le cofondateur du RAP, Résistance à l'agression publicitaire, qui est le fondateur du Publifob, dont il va nous parler, pour savoir un peu justement quelles étaient les origines de ce mouvement anti-pub en France. Donc voilà, je vous laisse découvrir Yvan Gradis, qui manie la langue française à la perfection, et ça fait du bien dans les oreilles. J'ai commencé par lui demander en fait... quand est-ce qu'il avait commencé à se poser des questions sur la publicité ? Alors moi, je ne me suis, je n'ai pas commencé par une question, j'ai commencé par une réponse. Ça fait très présomptueux, qui m'est tombé dessus le 11 octobre 1981. Ah, c'est précis. Oui, c'est très précis. Je ne peux pas dire l'heure, excuse-moi, c'est un peu, excuse mon imprécision. Mais est-ce que tu entends bien ma voix là ? Ouais, ça va, j'articule assez. C'est parfait. Bon. Donc c'est, pour moi, c'est une très longue histoire qui a commencé, enfin qui a, comme toutes les grandes affaires personnelles, qui a une préhistoire, qui a une émergence dans la conscience, et puis après un parcours très très très accidenté, notamment dans sa période militante. Donc c'est une très longue histoire pour moi. Mais le basculement a eu lieu ce jour-là, le 11 octobre 1981. La vérité, c'est que je ne sais pas si ce n'était pas le 10 octobre ou le 12, mais je sais que c'était pendant un séjour de 3 jours que je faisais à Londres, un séjour touristique. J'avais 23 ans. Ce qui m'est arrivé, c'est que j'étais dans un escalier du métro de Londres, un escalier mécanique que je remontais. Et j'ai eu ce que j'ai souvent appelé par la suite une révélation. C'est un mot qui fait sourire. Ça fait un peu illuminé, mais j'assume totalement et le mot révélation et le mot illuminé. Parce que dans illuminé, il y a lumière. Et ouais. On n'a jamais rien eu contre les philosophes des Lumières, même s'ils n'étaient pas des illuminés. Donc j'ai eu une révélation quant à l'ampleur et à la gravité du phénomène publicitaire. Et ça, je dis que ça m'est tombé dessus parce que je ne m'y attendais pas du tout. Il m'est arrivé quelque chose qui est resté dans ma mémoire très très ancré, puisque je l'ai souvent raconté, même je l'ai raconté par écrit aussi. Donc la scène est très simple. Je monte cet escalier. Je me laisse monter cet escalier mécanique. Et... j'ai un étourdissement, et puis une absence, si tu veux, et puis je me réveille de cet étourdissement, tout d'un coup, pendant la montée de l'escalier. Et en fait, cet étourdissement, il avait vécu 23 ans, c'est-à-dire depuis que j'étais né, et le réveil auquel j'ai vécu à cette seconde-là, ça a été, je me suis surpris dans une posture totalement aberrante, scandaleuse, presque obscène, j'allais dire. J'étais en train de regarder une affiche publicitaire qui était sur les murs de cet escalier mécanique. Il y avait plusieurs affiches qui se succédaient et j'étais en train de regarder une. Et l'objet de ma révélation, de ce que j'appelle révélation, ça a été de me dire, bon sang, moi, personne humaine censée être autonome, je suis en train de faire un geste qui ne va pas de soi. Mes yeux sont posés sur une affiche publicitaire. Et ce qui probablement, depuis toujours, donc depuis 23 ans, m'avait semblé quelque chose de naturel et qui ne posait pas problème, dans cette seconde-là, m'a semblé poser un énorme problème. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans mon cerveau ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a eu un court-circuit ? L'autopsie le dira. Il s'est passé quelque chose, en tout cas ce jour-là, dans mon cerveau, donc dans ma pensée. Et ça a été, comme disent les psychiatres, une expérience totalitaire, c'est-à-dire que ça a envahi tout le champ de ma pensée à ce moment-là. L'ampleur, je répète, l'ampleur du phénomène et la gravité. L'ampleur parce que j'ai pris conscience dans cette seconde-là que ce geste tout simple qui consiste à poser ses yeux sur une affiche était un geste totalement banal, exécuté par des millions ou des milliards de personnes depuis que l'affiche existe, dans sa version moderne, c'est-à-dire en gros depuis le 19e siècle, même s'il y avait des graffitis à Pompéi. Et ça, c'est pour l'ampleur. Et la gravité du phénomène, la gravité du fait publicitaire et de cette capture de mon attention par la publicité, m'a semblé gravissime parce que j'ai tout de suite, je sais pas, est-ce que j'ai eu un accès de complotisme, je ne sais pas, mais j'ai tout de suite ressenti la présence derrière cette affiche d'un système. J'ai eu conscience du système, j'ai pris conscience du système dans sa complexité et son côté universel, puisque la publicité telle que nous la connaissons est pratiquée sur tous les continents. Donc voilà ce qui m'est arrivé dans cette seconde-là. La conscience de quelque chose d'énorme, d'un scandale monstrueux, incommensurable, qui me concernait moi, et est-ce que c'est ma tournure d'esprit, est-ce que c'est ma morale personnelle, mon éducation, je ne sais pas, je me suis dit, puisque on, alors un énorme on, peut-être que je suis paranoïaque, mais on veut, quelqu'un veut, que ce soit un État, une civilisation, un groupe, une entreprise, une marque, peu importe, mais on veut que je laisse mes yeux sur cette affiche, eh bien, la réponse qui s'impose, c'est de les retirer le plus vite possible. Donc j'ai retiré mes yeux de l'affiche, ça a été la première affiche que j'ai boycottée. Et donc, comme c'était en 80 et que nous sommes en 2019, ça fait je ne sais combien de temps, ça fait plus de 30 ans, ça fait pas mal de temps, entre 30 et 40 ans, j'ai continué. Et je n'ai jamais cessé de répéter ce geste. C'est d'ailleurs, pour moi, le geste principal de santé mentale, d'hygiène mentale, je veux dire, au quotidien, de ne pas regarder les affiches, de les fuir le plus possible. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des affiches qui pénètrent mon champ de vision, mais c'est mon attitude. Voilà, c'est tout le problème. C'est un peu long, c'est une réponse. Non, mais c'est parfait. Ouais. C'est tout le problème, c'est que même quand on ne veut pas, des fois, on se retrouve obligé. Et c'est encore pire avec les écrans, mais ça, on aura le temps d'en parler. Ouais. Si je veux bien, si je reformule pour bien comprendre ce que tu dis, ce qui t'a sauté au visage, c'est le fait que tu regardes cette affiche malgré toi. C'est ça l'idée, c'est que tu te fasses capter ton regard presque sans t'en rendre compte. Et en plus, l'affiche en question, je ne m'en souviens absolument pas. C'était probablement une affiche plutôt inintéressante. Il n'y avait pas de bonne femme à poil, il n'y avait pas de beaux paysages. C'est peut-être ça qui m'a alerté. S'il y avait une bonne femme à poil, je me suis dit, Yvan, c'est pas bien ce que tu fais, ne regarde pas les bonnes femmes à poil. S'il y avait eu un beau paysage, je me serais dit, oh, allez, Yvan, ne rêve pas, tu es dans le cadre sinistre du métro de Londres, qui n'est pas plus sinistre que celui de Paris, mais bon, arrête de rêver, regarde plutôt le monde autour de toi. Non, c'était probablement une affiche totalement inodore et sans saveur, que j'ai oubliée. Et j'aimerais bien la retrouver d'ailleurs dans mon cerveau, peut-être que dans le fond de mon disque dur, elle doit être quelque part. Et voilà, donc c'était ça justement, c'était le fait de regarder, d'avoir mon attention attirée par quelque chose d'objectivement inintéressant. Alors, tous les publicitaires et les psychologues diront que justement, si je la regardais, c'est qu'elle n'était pas inintéressante. Elle était faite pour moi, j'étais dans la cible. Ça, c'est un autre débat. Bonsoir à tous. Thank you. passe un plomb, font qu'un troupeau, c'est couillon. Un mouton, c'est bête un mouton. Deux moutons, c'est bête bête deux moutons. Les moutons paissent en paix, du moins on le dirait. L'animal est grégaire, dans grégaire, y'a guéguerre. Une seule brebis galeuse, en la horde batailleuse. La moustache astracan, le vin s'avère méchant. Un mouton, c'est bête un mouton. Deux moutons, c'est bête bête deux moutons. Y'a toujours un vieux loup, dans toute bergerie. Et ce loup-là, mes loulous, c'est la moutonnerie. Qui était le Yvan de 23 ans? C'était un étudiant de lettres, donc j'étais étudiant à la Sorbonne Nouvelle. Cette année-là, je devais être en maîtrise de lettres. Et est-ce que tu avais, une implication politique? Est-ce que tu allais dans les syndicats étudiants? Est-ce que, enfin, tu vois, quel était ton chemin politique de l'époque? Alors, sur le plan politique et ou militant, quand j'avais, disons, grosso modo 20 ans, c'était très réduit. Je suis devenu anarchiste assez brutalement quelques années plus tôt, quand j'avais à peu près 17-18 ans. Quand des exemplaires du Monde libertaire ont circulé dans mon lycée. Et un exemplaire est arrivé entre mes mains, je ne savais pas ce qu'était l'anarchisme, je ne savais pas qu'il y avait une fédération anarchiste, je ne savais pas que le Monde libertaire existait. Et donc je pense que c'est en voyant ça que ça m'a plu. Parce que j'étais dans un lycée qui était étiqueté gauchiste à l'époque. Et moi-même, j'avais été conditionné catholique. J'ai reçu une éducation catholique. J'ai fait mes sacrements jusqu'à la profession de foi. Je crois que le dernier sacrement que j'ai reçu, je devais avoir à peu près 11 ou 12 ans, ou 13 ans, je ne sais plus. Donc j'avais d'un côté un conditionnement catholique, et de l'autre un environnement scolaire nettement gauchiste. Et de par mon caractère profond, qui est peut-être celui d'un infâme individualiste, et quelqu'un qui a par-dessus tout le souci de sa liberté intérieure, eh bien je me sentais mal à l'aise dans les deux. Et j'ai toujours été très, même si j'étais très bien dans mon lycée, j'avais des amis, j'avais toujours un regard critique sur ce qu'un vieil oncle sociologue m'apprendra plus tard, et qui s'appelle l'esprit de système. Donc j'étais prédisposé, de par mon tempérament profond, à réagir et à faire une allergie à tous les esprits de système, d'où qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, de droite comme de gauche, sur le plan religieux, sur le plan politique. Donc probablement que j'étais prédisposé à devenir anarchiste. Et puis ce journal qui vaut ce qui vaut, Le Monde Libertaire, pour lequel j'ai absolument pas un culte et que je n'ai pas ouvert depuis peut-être 40 ans, est arrivé entre mes mains quand j'avais 17 ans. J'ai vu qu'on pouvait être, non pas ni de gauche ni de droite, mais qu'on pouvait être autre chose, qui s'appelle l'anarchisme, et qui a mis le feu aux poudres, à mes poudres. Alors, un anarchisme fortement teinté d'individualisme, c'est peut-être d'ailleurs un pléonasme. Mais voilà, j'ai donc très vite, j'ai pris feu, et je suis devenu anarchiste à l'âge de 17-18 ans, et je n'en suis jamais sorti. Donc, si, sur le plan politique, au sens large, ce serait le camp dans lequel je m'inscrirais volontiers. Et sinon, pour finir de répondre à ta question, et plus brièvement, sur le plan militant, de mes actions militantes, je me suis contenté de participer à quelques réunions anarchistes à Paris, j'ai été très intéressé aussi par une association qui s'appelle Amnesty International, et j'ai aussi frayé un peu avec l'Union Pacifiste de France. J'ai même fait signer quelques pétitions d'Amnesty, quelques pétitions contre la guerre. Voilà, mais c'était très modeste, très éphémère. Donc quand la révélation anti-publicitaire m'est tombée dessus en 81, j'étais entre guillemets, j'étais quelqu'un de très calme, très tranquille. Puisque nous sommes ici au milieu de quelques œuvres miennes, il faut que je dise aussi que mon autre grande passion de jeunesse, d'adolescent, à part l'anarchisme, j'en avais une autre, peut-être la première, c'est le surréalisme. Voilà. Ok. Donc là, on est à Londres, tu te rends compte qu'on essaye de contrôler ton regard, et qu'on y arrive, bien malgré toi, tu décides de boycotter, mais tu vas pas en rester là, c'est-à-dire que c'est là que naît une envie plus grande d'essayer de lutter contre ce système publicitaire. Comment ça se passe? Ça prend du temps ou dès que tu rentres à Paris, t'en parles à des amis anarchistes? Enfin, c'est quoi la suite? Tout de suite, j'ai commencé à parler de ça abondamment autour de moi, à prêcher dans le désert, car j'ai découvert le désert. Ouais. Et pendant... ça a duré 6 ans et demi. Donc d'octobre 81 jusqu'à janvier 88, ça fait 6 ans et demi. C'est un grand désert. C'est un grand désert, où j'ai été totalement seul sur ce plan-là. Ma vie se poursuivait normalement, tranquillement, mais je n'ai rencontré personne, pas une seule personne, même parmi mes compagnes de l'époque, ou mes grands amis, ou ma famille, pas une seule personne pour partager ça. Donc j'ai été l'objet de moqueries, j'ai été mis, non pas sur la touche, mais on se moquait de moi, tout le monde se moquait de moi, même ma grand-mère. parce qu'elle était téléspectatrice, et quand je coupais le son de façon un peu autoritaire de la télévision au moment de la publicité, je me faisais engueuler. De la réclame, devait-elle dire, oui, peut-être même. Peut-être. et pas seulement elle, mais tout le monde. On m'en voulait, on ne comprenait pas ma position, et on m'en voulait des gestes que je pratiquais dans cet art d'autodéfense face à la publicité. Car immédiatement, dès le départ, dès ce fameux jour à Londres, je me suis forgé un art martial, une série de gestes tout à fait précis au quotidien pour me défendre contre l'hydre publicitaire, c'est-à-dire pas seulement les affiches, mais la radio, la télévision, la presse écrite, les vêtements que je croisais, puisque les gens portent de la publicité, je vois que tu n'en portes pas, mais en tout cas pas sur ton tricot, en dessous je ne sais pas, je ne veux pas le savoir, les gens portent de la publicité sur leur ventre, sur leur casquette, sur leurs chaussures, dans leur bouche, dans leur langue, dans leur langage, dans le vocabulaire. Donc les fronts de l'agression publicitaire sont innombrables, et je les ai découverts de façon empirique, car je n'avais aucun maître à penser dans ce domaine, j'étais mon propre maître à penser, c'était totalement artisanal. Je me suis formé, forgé, moi-même, en autodidacte de l'antipublicité, en découvrant les fronts les uns après les autres et en me fourbissant des armes adaptées à chaque front. Donc je suis devenu une espèce d'obsédé, et avec des côtés un peu ridicules, même si je faisais ça discrètement, mais ça se voyait. Je me souviens d'un jour où je faisais un petit voyage en France pour montrer la France, une partie de la France, à un ami roumain qui m'avait demandé de lui servir de guide pendant 2 semaines, un été. Et nous étions dans une voiture, et je me souviens très bien, je conduisais, et à un moment donné, dans les phares de la voiture, mes phares ont éclairé un panneau publicitaire sur le bord de la route. Et j'ai eu le réflexe de couper les phares à ce moment-là, en pleine nuit, pour ne pas voir l'image qui était sur le panneau. Et le copain a trouvé ça ridicule, il s'est moqué de moi. Bon, voilà, je cite cette anecdote, okay. Parce que je faisais des tas de choses comme ça. Okay. Ah oui, tu devais être pris vraiment pour un fou furieux, oui, oui. Quoi. Ah oui, oui. Oui, oui. Mais j'ai tenu bon, 6 ans et demi. Et qu'est-ce qui s'est passé au bout de 6 ans et demi? C'est qu'il y a eu un article dans un journal que j'ai cessé de lire entre-temps pour d'autres raisons, pour des raisons anti-publicitaires d'ailleurs, c'est Le Monde, dont je pourrais parler plus tard. Un article dans Le Monde, intitulé « Un petit village de l'Allier part en guerre contre les coupures publicitaires ». C'était le 26 janvier, donc Le Monde du 26 janvier 1988. Et dans cet article, qui faisait 3 petites colonnes, il était question d'un professeur de musique retraité dans un tout petit village du centre de la France, Chantel, qui était parti en guerre contre une pratique nouvelle qui était la coupure des films par la publicité à la télévision, notamment sur TF1, qui venait d'être privatisé. Je me souviens de ce moment-là, oui. Et ce professeur de musique avait eu un coup de sang, parce qu'il adorait regarder les films à la télévision, et quand il y a eu une première coupure publicitaire, il a fait un bond, il l'a raconté plus tard, et avec sa femme, il avait créé une petite association de téléspectateurs, en faisant une campagne de presse qui avait eu un certain écho, notamment cet article du Monde. J'ai donc découvert ça. Ah, et enfin, tu n'étais plus seul. Exactement. C'était la première fois en 6 ans et demi que je rencontrais un autre publiphobe. Je préparais à ce moment-là l'agrégation de lettres que je devais rater par la suite. Je me souviens très bien comment ça s'est passé. J'étais à ce moment-là chez moi avec... ma compagne recevait sa sœur et son beau-frère, en quelque sorte, qui étaient chez nous pour la journée, pour... C'était période, donc début d'année, 26 janvier, et je me souviens très bien que j'étais dans mon bureau et je lisais le journal, j'ai vu cet article, j'ai fait un bond immense, et j'ai dit à mes amis, je leur ai dit, regardez, je ne suis plus seul, regardez ce qui se passe. Bon, alors cet article, c'était pour moi une sortie du tunnel. C'est bête de dépendre d'un côté d'un escalier de mécanique du métro et de l'autre d'un article de journal. C'est 2 objets parfaitement vulgaires, mais c'est comme ça, c'est les hasards de la vie. Bon, alors, grand moment de joie, quoi. Donc j'ai pris contact avec ce professeur de musique qui avait créé cette petite association. Je lui ai écrit, et en fait, nous étions des milliers à lui écrire. Nous étions des milliers, ce que je ne savais pas à ce moment-là. Et il m'a fait signe, quand il est venu à Paris, dans une manifestation culturelle, quelques semaines plus tard. Nous avons fait connaissance, et de fil en aiguille, je suis devenu... Donc, il se trouve qu'ils étaient 3 à Lascar, il y avait lui, sa femme, et puis son grand ami à lui, qui avait le même âge que lui, donc ils avaient 68 ans à peu près à l'époque, ils étaient retraités, et se sont devenus de grands amis. Et ils m'ont énormément plu dans leur approche, d'abord sur le plan humain. C'était des gens... totalement libres et très provocateurs, mais intelligents et très libres dans leur esprit, très, très subversifs. Donc ce sont devenus des amis personnels, Et je me suis senti très bien dans leur association, dont je suis devenu très vite le secrétaire général. Et pour résumer la suite, libre à toi de faire retour arrière sur telle ou telle période, mais mon aventure militante a commencé avec eux. Nous avons fait les 400 coups, nous avons diffusé une pétition qui a eu un succès énorme, qui a même été mentionnée en Conseil des ministres et à l'Assemblée nationale dans les débats, disant non à la publicité dans les œuvres à la télé. Et puis un jour, en 89, un an et demi plus tard, j'ai dit à mes amis que ça ne me suffisait pas de me battre contre la publicité à la télévision. Parce que c'était une association de téléspectateurs. Okay. Pour eux, retraiter la télévision était quelque chose d'important. Pour moi, pas du tout. Mm-hmm. J'étais encore téléspectateur à l'époque. Okay. Bientôt, je ne le serai plus. Mais je l'étais à l'époque. Mais ça ne me suffisait pas. Et je leur ai proposé d'élargir l'objet de l'association à tous les fronts de la lutte anti-publicitaire. Ils ont refusé. Et ils m'ont dit, mais crée quelque chose, toi. Et je ne me pensais pas capable de créer quoi que ce soit. Et j'ai créé une feuille recto-verso que j'ai tapée à la machine. Je n'avais pas d'ordinateur, j'ai tapé ça sur une machine à écrire électrique. Dans la nuit du... Alors, comme j'aime bien les dates rondes, j'ai choisi de faire ça le 1er janvier 1990. Okay. Ah, je me suis dit que ce serait plus facile après pour compter la chronologie. Et j'ai passé une nuit, la nuit du 1er au 2 janvier 90, à rédiger, à mettre en forme un texte anti-publicitaire qui ne venait pas exclusivement de moi, mais qui était aussi la synthèse d'arguments que j'avais, de griefs que j'avais demandé à certains proches, notamment mes amis de cette association, et puis d'autres, des amis personnels, que quand même, au bout de 7-8 ans, j'avais réussi à attirer l'attention sur le problème publicitaire, et qui daignaient avoir quelques réflexions sur le sujet, je leur avais demandé de me fournir des arguments, des griefs. Et ce qu'ils ont fait sur des bouts de papier, parfois, okay. Et pendant cette nuit, j'ai réuni tout ça, j'ai mis ça en forme, et j'en ai fait un texte, et le lendemain, à la fin de cette nuit, j'ai mis un titre, un peu bête, mais je me suis dit, au cas où ça deviendrait quelque chose de régulier, il faut que je mette un titre. Ça ressemble à un journal, à une feuille, donc j'ai mis le titre « Le publiphobe ». Parce qu'entre-temps, j'avais entendu parler du mot « publiphobe », qui est un mot très suspect, dont on connaît l'origine, je pourrais te la dire. Ouais. Pourquoi suspect? Suspect parce que ça vient du milieu publicitaire. Ah. Ce sont les publicitaires qui ont inventé le mot « publiphobe ». Ah. Si je l'avais su à l'époque, j'aurais peut-être pas utilisé ce mot-là. Okay. Mais je ne savais pas, donc c'est un peu une maladresse, mais tant pis, le mal était fait. Et presque 30 ans plus tard, le publiphobe existe toujours, mon journal existe toujours. Toujours sous la forme d'une feuille recto verso, ça c'est sacré, je ne veux pas qu'il croisse. Okay. Et voilà, donc voilà comment est née cette feuille, le publiphobe, qui me servait de déversoir, okay. Qui prend probablement d'exutoire, grâce auquel peut-être j'ai échappé à certaines maladies graves, qui sait, puisqu'il faut s'exprimer, n'est-ce pas, c'est bon pour la santé. Et c'est devenu ma carte de visite, voilà, donc j'ai envoyé le premier numéro, puisque j'ai mis numéro 1, donc 1er janvier 1990, numéro 1, et je l'ai envoyé à environ 120 personnes, dont j'avais l'adresse postale à l'époque, l'internet n'existait pas pour moi, et donc je me revois à la poste, dans le bureau de poste de Boulogne-Billancourt, où j'habitais à l'époque, sur une grande table, mettant tout ça sous enveloppe, et mettant ça dans la boîte. Donc okay. une bonne centaine de personnes, okay. Dont beaucoup des adhérents de cette association de téléspectateurs, ouais. et puis des amis, puis n'importe qui. Et ça, c'est une aventure qui a duré longtemps, enfin qui t'a... Donc si elle continue, mais... Elle continue. Est-ce que t'as été surpris de gens qui te demandaient de s'abonner? Ça a été une grande aventure, enfin grande... tout est relatif, puisque... Ce n'est qu'une feuille. Mais il faut dire d'abord qu'il y a eu à peu près 3 jours d'angoisse où je n'ai pas eu d'écho. J'ai reçu ma première réponse, ma première lettre, au bout de 3 ou 4 jours. Donc pendant ces 3 ou 4 jours, je me suis demandé si je n'avais pas fait la connerie de ma vie, si je ne m'étais pas définitivement ridiculisé auprès de tout le monde. Et j'ai reçu une lettre d'une dame que je ne connaissais pas. Une dame, mi-figue, mi-raisin, je me souviens très bien de son mot que j'ai gardé. Pour moi, c'est historique. Un mot écrit à la main où elle me disait « Merci de votre feuille, que j'ai bien apprécié. Je vous trouve un peu excessif, vous avez raison dans l'ensemble, donc vous avez ma sympathie, etc. » Ça a été la première que j'ai reçue. Et après, j'en ai reçu énormément. Okay. J'en ai reçu énormément, voilà. Et ça continue. Enfin non, ça continue. J'en reçois beaucoup moins maintenant. Mais on pourra reparler de ce qu'est devenu. Ouais. Enfin, le mouvement anti-publicitaire et le Publiforum en particulier. Mais disons que c'est devenu ma carte de visite. Pour moi, c'est devenu une veilleuse, comme d'une chaudière qui ne s'éteint jamais. Et dans mon esprit, il y a la résolution profonde. On peut toujours changer, mais la résolution profonde que ce petit publiphobe, cette petite flamme de veilleuse, ne s'éteindra qu'avec ma mort. Et je me dis souvent que j'aimerais qu'elle m'accompagne dans toute ma vie, quelle que soit ma vie. C'est pour ça que je ne veux pas que ça fasse plus d'une feuille. Parce que combien de journaux, combien de revues ont disparu parce qu'ils avaient eu les yeux plus gros que le ventre, parce qu'ils étaient trop ambitieux. En faisant quelque chose de petit, comme le Publifop, c'est-à-dire un recto verso, je me dis que j'ai des chances de tenir dans la durée. Et j'y arrive, puisque j'ai sorti le dernier il y a à peine deux semaines. Il n'y a rien faire, par moments, regarder le monde à l'envers, croire en tout, en l'éphémère, décider d'aller de l'avant, car il y a dans l'air, par moments, ce léger souffle séduisant. Peut-on rester débutant, apprivoiser ses nerfs. Donc ce Publifob, j'imagine, te fait du bien, te donne une certaine audience, et puis j'imagine te rassure sur la justesse du combat. Tu te sens moins seul, et ça je pense que dans le combat politique c'est important. Mais j'imagine que tu te dis que c'est pas assez non plus, quoi. C'est-à-dire que alerter les gens c'est une bonne chose, essayer de les faire monter en conscience, ça en est une autre. Mais j'imagine que tu as envie de concret, quoi, c'est-à-dire de réfléchir à comment résister à cette invasion publicitaire. Et donc c'est quoi l'étape d'après dans ton combat anti-pub ? Ben, le publiphobe m'a permis de rencontrer énormément de publiphobes. Dans tous les domaines, même à l'international, et avec certains d'entre eux, je suis devenu très ami, je correspond toujours. Nous nous sommes rencontrés physiquement, il y a eu des réunions, et dans le flot humain auquel le Publifob m'a donné accès, il s'est trouvé un certain nombre d'individus qui étaient eux-mêmes porteurs d'un itinéraire personnel très, très, très intéressant, très précis, qui étaient engagés dans des mouvements, des associations ou dans des questionnements, tout simplement, personnels, intimes. Et de ces rencontres ont jailli un certain nombre d'initiatives, d'associations, d'institutions, collective. Par exemple, la principale étant RAP, Résistance à l'agression publicitaire. En 91, donc le Publifob avait un an, parmi les nombreuses personnes que j'ai rencontrées, il y avait un philosophe qui s'appelait, il est mort maintenant de sa belle mort, il s'appelait René Macaire. Macaire, M-A-C-A-I-R-E, c'était un philosophe gandhien, obsédé par l'histoire de Gandhi, par la non-violence et accessoirement par la désobéissance civile. Et surtout, ce qui l'intéressait chez Gandhi, c'était justement le boycottage. organisée. Dans le cas de Gandhi, c'était contre l'Empire britannique. Dans notre cas, nous, c'était contre le système de domination publicitaire perpétré contre les citoyens que nous sommes. Mais lui, c'était son grand projet, son grand rêve. La résistance au conditionnement culturel dans nos contrées, dans nos pays, par des méthodes de désobéissance, de non-coopération avec le système dominant. Et c'est avec lui, il est venu chez moi à Boulogne, nous avons discuté 2 ou 3 heures, et donc il avait à l'époque à peu près 72 ans, 71, 72, moi j'avais à l'époque une trentaine d'années, et 30, 35 ans, et au bout de ces 3 heures de discussion, il a fait un bond, je le revois faisant ce bond sur le fauteuil, en disant « Bon, nous avons assez parlé, c'est lui le vieux qui a eu cette réaction, nous avons assez parlé, on sort nos agendas, on se fixe une date pour dans quelques semaines, tu invites tous tes amis et moi j'invite tous mes amis. » J'ai oublié de dire qu'il était à la tête d'un réseau qu'il avait créé, qui s'appelle toujours les réseaux Espérance, qui était justement un mouvement non-violent d'inspiration gandhienne. Les réseaux Espérance. Et j'ai dit d'accord. Donc nous avons fixé une date, le 19 octobre 91, un samedi, pour que les gens soient libres. Il avait accès à un local associatif à Pantin, à côté de Paris, par ses réseaux personnels. Et nous avons fait cette réunion, qui a duré tout un samedi. Ça a été la première, c'était historique, parce que c'était la première fois, en tout cas à notre connaissance, qu'en France, se réunissaient toute une journée des gens pour parler du problème publicitaire. Donc il y avait des lecteurs du Publifobe d'un côté, des amis personnels aussi, et puis des membres des réseaux Espérance. Et pour l'anecdote, le soir en rentrant chez moi, après cette réunion du 19 octobre, je reçois sur mon répondeur, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de téléphone portable, donc j'avais un vieux répondeur téléphonique, je reçois un message anonyme, je trouve un message anonyme, une voix que je ne connaissais pas, un homme qui me disait, avec une voix très grave, qui me disait « Je suis désolé, je voulais venir à votre réunion, mais je n'avais pas l'adresse, et avec ma moto, j'ai cherché, je ne vous ai pas trouvé, donc j'ai raté votre réunion. » Et cet homme ne me donnait pas son nom. Donc c'était un message anonyme, très mystérieux. L'homme à la moto qui n'avait pas trouvé la réunion. Ouais. Et cet homme donc a repris contact avec moi le lendemain ou le surlendemain, puis il a dû se rendre compte qu'il avait oublié de me laisser son nom. C'est quelqu'un qui serait bientôt membre de l'Académie française, et qui ne l'était pas encore, mais qui s'appelait, parce qu'il est mort entre-temps, Bertrand Poirot-Delpech. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Ouais, le nom me dit quelque chose. Hein. Bertrand Poirot-Delpech était un écrivain, romancier, essayiste, qui était le grand critique dramatique du monde pendant plus de 40 ans, et qui avait une chronique hebdomadaire. Non seulement il était critique dramatique, mais il avait aussi sa chronique personnelle sur les sujets qu'il voulait aborder dans le monde, ça s'appelait Diagonale. Et on avait attiré mon attention sur cette chronique excellente que je lisais régulièrement depuis quelque temps. J'étais encore à l'époque lecteur du Monde, je ne le serai plus bientôt, et quand j'ai appris que c'était lui, j'étais très très ravi, très très enchanté de ce contact, très très ému, très honoré. Et il était complètement publiphobe, mais profondément publiphobe. Et en exprimant sa publiphobie dans le monde, avec une plume inégalable. Et il n'a pas raté notre deuxième réunion, car nous nous sommes réunis une deuxième fois, en février 92, donc quelques mois plus tard, au même endroit, Pantin, encore une trentaine de personnes, toute une journée, et il était là cette fois. Et en prenant part au débat, et nous étions très contents de sa présence. Il était lecteur du Publifobe. Excellent. Il était lecteur. C'est comme ça qu'il avait... Parce que dans le Publifobe, j'avais appelé à cette réunion. C'est pour ça qu'il était venu, en tant que lecteur du Publifobe. Mais je ne le connaissais pas, je l'avais jamais vu. Et je l'avais jamais eu au téléphone. Donc je connaissais ni son visage, ni sa voix. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a eu une espèce de décalage, c'est-à-dire que cette réunion, qui n'était pas une réunion du Publifobe, lui a donné, celle d'octobre, celle qu'il avait ratée, lui a donné l'envie d'y faire écho dans Le Monde. Et ce qu'il a fait immédiatement, quelques jours après la réunion du 19 octobre, il a mentionné dans sa rubrique diagonale l'existence du Publifobe, dont il a dit un grand bien, et il a fait quelque chose d'énorme que les journalistes font rarement, et surtout pas au Monde, à l'époque, et qui était très important à l'époque où l'Internet n'existait pas, il a donné l'adresse postale du Publifobe dans son article. Incroyable. Ça ne se faisait jamais, et ça se fait rarement, je crois. En général, les écrivains, les intellectuels aiment bien parler de certaines choses, mais ils ne font rien, ils ne lèvent pas le petit doigt pour enclencher une action concrète. Et il manque toujours le passage à l'acte, et donner l'adresse du Publifobe, c'était un acte très concret. C'était un acte mobilisateur. Donc il l'a fait. Résultat, ma boîte aux lettres a débordé de courrier. Ça a été monstrueux. C'était un sacré coup de pub. Extraordinaire, extraordinaire. Donc, j'étais prof à l'époque. Ouais. C'était les vacances de la Toussaint, c'est pour ça que j'ai mentionné ça. Donc, j'étais pas parti, j'étais chez moi. Heureusement, ça tombait pas dans les vacances. J'ai passé mes vacances à vider ma boîte aux lettres et à décoller les enveloppes et à ouvrir. Ça a été passionnant, c'est un grand souvenir pour moi, parce que j'ai reçu à peu près 130 courriers en 3-4 jours. Ça a été brutal, de toute la France, des gens qui avaient lu l'article de Pouvoir de la Pêche, et le Publifobe avait passé un échelon supérieur de notoriété, et beaucoup de mes relations actuelles anti-publicitaires, enfin un certain nombre, datent de ce moment-là. Il y a eu une deuxième réunion en février 92, où il était présent, et puis, lors de cette deuxième réunion de février 92, c'était tellement passionnant, que nous avons décidé de créer une association. Et lors de cette ultime réunion du 20 juin 92, nous nous sommes donné un nom. Le premier débat lors de cette réunion constitutive, ça a été de nous nommer. Et nous avons nommé, donc nous avons trouvé Résistance à l'agression publicitaire, RAP. Voilà. Et nous regrettions que ça fasse RAP, nous regrettions le sigle, c'était pas du tout... un jeu de mots, ouais. Au contraire, nous regrettions. La plupart d'entre nous étaient désolés que ça fasse rap. Okay. Et nous sommes même engagés à ne jamais utiliser le sigle rap. Nous étions très naïfs. et je me souviens, quand j'ai quitté la salle de cette assemblée, le jour de cette assemblée constitutive de rap, les deux derniers à sortir de la salle, c'était moi-même, et René Macaire, le philosophe, je le revois passant le balai avant de quitter la salle pour laisser la salle propre. Et pendant qu'il passait le balai, j'ai regardé une affiche. Il y avait une affiche dans cette salle et que je n'avais pas vue. Une nouvelle affiche dans ma vie. Une petite affiche. C'était MC Solar. Clap, prise 1, vision panoramique. Une caméra avance, gros plan sur Dominique. Seule devant la glace, elle ausculte son corps, puis crie machinalement encore quelques efforts. Tous les régimes sur elle furent testés. Toutes les tentatives ont été des échecs complets, mais elle persévère et pour plaire à son homme, Dominique a décidé de suivre la norme. Elle emmagasine des magazines dans lesquels elle pense trouver le recours ultime. Mazo à l'assaut de ses formes rondelettes, elle était occupée à couper du PQ car on lui pique les fesses, une victime de la mode. Tel est son nom de code. victime de la mode. Tel est son nom de code. Lumière, scène de l'as de trèfle lui propose une toute nouvelle donne et en voici la cause. Tellement d'efforts et pour quel résultat? Elle perd de l'oseille au lieu de perdre du poids. Dominique réplique et très vite m'explique qu'elle veut être la réplique d'une créature de clip. Ainsi font les petites filles coquettes. Elles suivent un modèle qui leur fait perdre la tête. From London to Washington, Kingston, Charenton ou Carcassonne. Quand le téléphone sonne, elle nous répond sans cesse qu'elle était occupée à couper du PQ car on lui pique les fesses. Une victime de la mode, tel est son nom de code. Victime de la mode, tel est son nom de code. Donc en guise de conclusion à l'analyse logique de cette situation, le régime, le jogging, la liposuction sont à tester, mais il faut faire attention. Espérons que vous aurez compris les bases très claires de ce code de déontologie. Prendre ou perdre quelques kilos, l'essentiel est d'être vraiment bien dans sa peau. Ma taque, tic, attaque, tout est tic avec tact. Dominique, pas de panique, écoute bien ce fond qui bite. La quête de l'image la laisse dans le stress. Elle était occupée à couper du PQ car on lui piquait les fesses. Une victime de la mode, tel est son nom de code. Victime de la mode, tel est son nom de code. Jimmy J. Pour revenir un tout petit peu en arrière brièvement, au bout d'un an d'existence du Publifob, donc en 91, puisque le Publifob est né en 90, en 91, quelqu'un m'a conseillé de faire du Publifob une association pour me protéger. Donc j'ai donné un statut associatif au Publifob, et pour ça il a fallu que je rédige des statuts, c'est-à-dire en fait l'objet en quatre lignes. Et... pour l'anecdote, parce que ça c'est quand même savoureux, pour ceux qui connaissent, il y a un personnage illustre, un grand intellectuel qui n'est plus, qui m'a aidé à rédiger ses statuts par téléphone, parce qu'il vivait à Bordeaux, moi j'étais en région parisienne, c'est Jacques Ellul. Ah oui. Oui. Jacques Ellul, grand publiphobe. J'imagine. J'ai rencontré énormément de grands publiphobes. Comment vous avez... même le commandant Cousteau. Comment t'as rencontré Jacques Ellul? Même le cardinal, celui qui a été primat des Gaules, j'ai oublié son nom, de Courtrai. Le cardinal de Courtrai avait une réflexion sur la publicité. C'est incroyable le nombre de personnages dans la société, dans tous les domaines et à tous les niveaux, qui ont une réaction anti-publicitaire, quelle qu'elle soit. Donc, Jacques Ellul, on m'avait signalé les travaux de Jacques Ellul, ses réflexions, et il a beaucoup parlé de la publicité et de la propagande. Il a même écrit un livre sur le sujet, ou des articles. Pour lui, c'était de la publicité et propagande, c'était la même chose. Donc il avait tout un discours, et il était adhérent de la petite association de téléspectateurs. C'est comme ça que je l'avais connu, et que j'avais eu son adresse. Excellent. Et donc, je ne l'avais jamais vu, mais je n'avais jamais vu à l'époque, mais je lui ai téléphoné pour lui demander conseil sur les statuts du Publifob. Et c'est son fils qui m'a répondu en me disant « Mon père dort, il fait la sieste. Est-ce que vous pouvez rappeler un peu plus tard ?» Je dis « Bien sûr. » Et je ne sais plus si c'est lui qui m'a rappelé ou moi qui l'ai rappelé. Mais en tout cas, le contact téléphonique s'est fait un peu plus tard. Et je lui ai lu par téléphone mon projet de statut du Publifob. Et il a approuvé, il m'a donné un ou deux conseils de rédaction sur ces trois ou quatre lignes. Bon, ça c'est pour l'anecdote. Mais pourquoi je parle de ça? Parce que quand Rap est né, un an plus tard, en 92, juin 92, les statuts du Publifob avaient le mérite, enfin l'objet du Publifob, l'objet statutaire du Publifab avait le mérite d'exister. Okay. Et donc, l'objet statutaire de RAP, tel qu'il a été adopté lors de l'Assemblée constitutive, ressemblait énormément, quasiment à 90%, voire 95% à ceux du Publifab. Donc c'était tout de suite, comme optique, l'environnement, le social, le politique. Quand je dis politique, c'est le mot qui me vient à l'esprit, c'est la désaliénation, c'est un grand mot, du citoyen, la défense du citoyen face à toutes les tentatives de conditionnement, et aussi sur le plan environnement, donc la pollution engendrée par la publicité, pollution visuelle, paperassière, et autres, et bientôt, c'était pas encore le cas à l'époque, gaspillage d'énergie, puisque les panneaux publicitaires n'étaient pas encore électrifiés à l'époque, ou à peine. La publicité en tant qu'atteinte à la démocratie, dans le sens où c'est un abus de pouvoir, un abus sur les esprits, c'est une tentative de domination des masses par des groupes minoritaires, en l'occurrence certaines sociétés, en l'occurrence les annonceurs, qui sont très peu nombreux. On dit en grosso modo que toute la publicité est faite par 50 annonceurs, alors qu'il y a des milliers d'entreprises, mais qui n'ont pas les moyens de faire de la publicité. Mais ceux qui nous emmerdent et qui posent problème sur le plan démocratique, ils sont une cinquantaine. Voilà. Okay. Mes réponses sont un peu longues, excuse-moi. Non, c'est passionnant, et puis moi j'aime prendre le temps. Mais j'aime reprendre le temps de la réponse. Donc ça me va très bien, ne t'inquiète pas. Eh bien voilà, nous venons de passer une heure avec Yvan. J'ai encore une ou deux heures dans les tiroirs parce que j'ai passé une bonne partie de mon après-midi avec lui. La première pause musicale, c'était Gotener, qui a été un grand pourvoyeur de musique de pub dans les années 80-90. Et j'ai hésité un moment à mettre aussi des jingles de pub parce que juste pour nous rappeler comment cet univers nous pollue l'esprit. Et j'ai eu envie de terminer cette émission en écoutant Jacques Ellul, justement, dont vient de nous parler Yvan Gradis. Voilà, je vous laisse écouter Jacques Ellul qui nous parle de la télévision. On se retrouve le mois prochain. D'ici là, prenez soin de vous et continuez à écouter Fréquence Paris Pluriel sur 106.3. Bonne fin de soirée, au revoir. Maintenant, c'est la télévision qui est le média absolument dominant dans la propagande. Pour Jacques Ellul, qui depuis plus de 30 ans en analyse les mythes et les méthodes, le cinéma de propagande, c'est déjà le passé. On plonge dans la télévision instantanément, ça ne demande rigoureusement aucun effort de la part du spectateur, et lire un journal, ça demande un effort. Regarder la télévision, non. C'est donc une espèce de proximité. D'autre part, la télévision a une séduction absolument incroyable. On voit la réalité et en plus, on a, dans bien des cas, l'immédiateté. Alors, ce qui n'avait jamais existé jusqu'ici, c'est-à-dire que le téléspectateur ne peut absolument pas avoir l'impression d'être propagandé, parce que autant dans le journal on pouvait se méfier de plus en plus de ce que le journaliste avait retravaillé, etc., la télévision, vous êtes au milieu du fait. Alors il n'y a pas de discussion. Quand on devenait chrétien, ou quand on devenait communiste, ou quand on devenait hitlérien, même si on pouvait se dire c'est l'effet d'une propagande, on devenait quelque chose de différent. Tandis que maintenant, on n'a absolument pas le sentiment de devenir différent parce qu'on regarde la télévision. Un film comme Le Père et Jules, ça vous paraît encore possible de faire ça aujourd'hui? Je crois que ça serait très mal reçu, en définitive. Je crois que ce serait très mal reçu parce que nous avons précisément évolué dans le sens d'un respect de l'humain, des droits de l'homme, etc. Ce qui est très bien, mais qui ne nous engage à rien. Parce que c'est un respect de l'humain en général, ce qui ne nous empêchera pas d'être très hostile à telle ou telle personne qui nous est étrangère. Mais est-ce qu'on peut penser qu'une propagande de type péril juif pourrait ressurgir en cas de crise très grave ? Là, alors, je dirais, ça dépend du leader charismatique. Parce que une propagande de ce type ne réussit que s'il y a des gens qui peuvent canaliser les sentiments individuels en représentant vraiment le modèle même de ce que l'on veut être. La télévision permet une sorte de contrôle social qui est tel que l'existence d'un parti, si nous faisions allusion tout à l'heure à un leader charismatique, s'il apparaissait, il pourrait évidemment s'en servir. Mais c'est beaucoup moins important que cette espèce de contrôle social permanent. Je ne crois pas qu'une organisation soit fondamentale maintenant. Le regroupement n'est plus essentiel. Le regroupement, il est fait par l'appareil. Je suis extrêmement surpris lorsqu'on affirme constamment que l'homme moderne peut choisir, etc., alors qu'il ne sait plus utiliser les possibilités de liberté qu'il aurait encore. Donc, je crois qu'effectivement, nous baignons dans un climat qui fait que, au fond, on acquiert une mentalité totalitaire. C'est exact. Ce qui tendrait à le confirmer dans notre époque, c'est de voir à quel point il y a un modèle de société et que le but de l'action dans le tiers-monde, c'est d'amener le tiers-monde à notre modèle de société. Je crois que quand on dit, bon, il faut que le tiers-monde se développe, il faut faire décoller le tiers-monde, etc., c'est le faire décoller vers quoi ? C'est le faire décoller vers la société de type occidental. Est-ce que le mot propagande est encore un mot approprié à ce rôle que peuvent jouer les masses médias et la télévision en particulier ? Dans la mesure où il s'agit d'une certaine modification du téléspectateur, oui, c'est encore une propagande. Dans la mesure où ça n'a plus aucune commune mesure avec ce que l'on a appelé de cette façon au siècle dernier ou au début de ce siècle, non, ça n'est plus une propagande. C'est une sorte d'infusion, c'est une sorte de bain culturel permanent. Et c'est ce qui me paraît, moi, très saisissant et très profond dans cette propagande, c'est sa relation à la publicité. On distinguera de moins en moins ce qui est action, mettons, gouvernementale ou discours gouvernemental, et puis discours du publicitaire. Autrefois, c'était très clair. D'un côté, il y avait la politique, de l'autre, il y avait le commerce. Maintenant, c'est parfaitement imbriqué. Pour écouter la radio, il faut bien sélectionner une fréquence. Vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, et ce n'est pas un hasard, croyez-moi. Moi, je suis confiant dans la croissance française. Oh, c'est absolument lamentable d'entendre des choses pareilles. Si je voulais me lancer dans la psychanalyse, j'ajouterais que c'est le roi des cons. Dis donc, Jamy, mais ça va quand même drôlement loin pour des ondes courtes.